On serait à toi pendant un sang. On va à l'encens à G, on tribouille celle d'Ores, le script, et puis on se donne avant. Chaque soirée devient une bataille, mais vous êtes là, ma voix vous guide entre les tirs, et vos chants m'empêchent de succomber au pire. C'est pas qu'un pseudo, c'est une voix, celle qui vibre quand l'écran s'allume. Les riders qui laissent chez moi, mais c'est vous qui faites que j'assume. Et cette armée, c'est vous !